Fadjet, c'est l'été en Lorraine. C'est le retour des soirées 3 et 4 au Parc de la Pépinière cette année, ce jusqu'au 24 août. Pour nous en parler, nous accueillons Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Yves. On va danser donc cet été avec l'association 3 et 4 ? Oui, comme tous les ans, on va danser. Donc ça se passe à la Pépinière, à l'auditorium, à côté de la brasserie de la Pépinière. L'association 3 et 4, ça existe depuis quand ? Ça existe depuis une quinzaine d'années. À l'origine, c'était des anciens danseurs de l'université, donc du SUAPS, qui avaient envie, donc après les cours, de se retrouver pour continuer à progresser et partager leurs connaissances en danse. Donc c'est parti comme ça et aujourd'hui, on est toujours actifs, donc avec de nouveaux membres qui sont venus enrichir l'association. Combien de membres aujourd'hui à peu près ? On est une quarantaine. Et vous, donc, vous avez découvert l'association comment ? Je suis venue à une des soirées de 3 et 4. Là, il y a donc un bénévole de l'association qui m'a parlé de l'association, qui m'a proposé de rejoindre pour venir aux ateliers qu'anime 3 et 4. Et donc, je suis venue, j'ai vu l'ambiance très sympa et donc j'ai rejoint l'association. Donc, cette ambiance sympa, on va la découvrir pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore l'association à l'occasion de ces danses à la PEP, les néo-balles colorées by 3 et 4. Alors ça se passe comment ? Ça se passe, donc vous l'avez dit, à la Pépinière, à côté de l'auditorium, c'est quand ? Eh bien c'est chaque mardi de juillet et de août, ça commence à 19h jusqu'à 22h. Et quel genre de danse vous proposez ? Justement, c'est tout l'intérêt de 3 et 4, c'est qu'on pratique toutes les danses de couple. Quel genre de danse pour en citer quelques-unes ? Alors les principales, ça va être le West Coast Swing, le rock et l'indie hop, la salsa. Et après, on a aussi un petit peu de zouk, de la bachata. Et puis, on complète avec quelques valses, quelques tangos. Donc, c'est très, très varié. Vraiment tous les styles, certaines plus techniques que d'autres. Si on n'a jamais trop essayé la danse, même si on n'y connaît rien, on peut venir à ces séances ? Alors, c'est ouvert à tous. On a aussi quelques danses collectives où, en fait, comme le kuduro, où on va pouvoir donc participer, même si on n'a pas, on n'a jamais vu la danse en question. Après, c'est vrai que pour les danses de couple, ça demande un petit peu de technique, quoi qu'on peut s'amuser sur un rock, même sans vraiment connaître les pas. Voilà, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Oui, hein, tout quel à que fait. Soit son âge, ses connaissances en danse, on est les bienvenus. Oui. Donc c'est tous les mardis à partir de 19h. Pas besoin de s'inscrire, on vient. Non, c'est entrée libre. Les néo-balles colorées by 3 et 4. Donc ça, c'est les rendez-vous de l'été. Le reste de l'année, comment ça se passe ? Alors le reste de l'année, en fait, on a des ateliers, donc on se retrouve à 19h30, salle Louis Collin à l'Axou. Pendant 2h30, on anime deux ateliers et une demi-heure de pratique dansante. Donc après, si on découvre un peu la danse à l'occasion de ces rendez-vous le mardi soir au mois d'août, on peut peut-être prolonger l'aventure avec vous le reste de l'année à l'Axou. Effectivement, on peut venir dès la rentrée, le 1er septembre, découvrir également les ateliers 3 et 4, sachant qu'on s'adresse plus à des danseurs qui sont déjà confirmés, donc qui souhaitent partager leurs connaissances et apprendre de nouvelles danses. Parce qu'en fait, on ne donne pas de cours de danse, on est des bénévoles qui animons des ateliers, et c'est bien de maîtriser une ou plusieurs danses de l'association pour pouvoir partager avec nous et arriver à suivre un peu la dynamique du groupe. Un autre temps fort ? Oui, on organise un festival donc dédié au West Coast Swing. Donc, ce sera le week-end de l'Ascension 2022. C'est un festival au cours duquel on aura des ateliers pour apprendre le West Coast et également des soirées donc ouvertes à tous. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler sur Fadjet. La danse qui vous plaît le plus ? Alors moi, j'ai découvert le West Coast Swing. Et donc, ça me plaît beaucoup. C'est une danse qui peut se danser sur les musiques qui passent à la radio. C'est une danse issue des danses swing, donc dans les années 30, et qui est revenue à la mode dans les années 2000, puisqu'elle s'est adaptée sur toutes les musiques contemporaines. Donc, c'est une danse très fluide, avec des mouvements élastiques. Voilà, donc on pourra découvrir cet été hein, l'occasion de ces néo-balles colorées proposées par l'association 3 et 4 les mardis à 19h et ce jusqu'au 24 août. Si on veut découvrir un peu plus aussi votre association, vous êtes sur les réseaux sociaux ? Oui, tout à fait, on est sur Facebook, association 3 et 4. Merci Charlotte, on vous retrouve donc les mardis à 19h. Entendu, avec plaisir.